Audiomatique. Begin to eat the dust, the dust of Baja California. It's a great pleasure to have all of you here today. I thought you all might begin your tour here. l'introduction de cette transmission 256 d'Audiomatique, vous avez entendu le duo britannique Propeller Heads et la pièce Take California qui ouvre leur seul album studio Decks and Drums and Rock'n'Roll, paru en 1998. Puisqu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, nous n'avons aucune honte d'avoir attendu à la transmission 256 d'Audiomatique avant d'offrir nos excuses les plus sincères à toutes les personnes malentendantes qui auraient pu se sentir discriminées par le concept de notre émission qui, nous le rappelons, est basée sur tout ce qui est sonore. Et avant même que vous vous fassiez la réflexion, sachez que oui, nous sommes très conscients que ces excuses publiques faites sur les ondes radiophoniques n'atteindront probablement jamais les gens à qui elles sont destinées pour des raisons évidentes de dysfonctionnement du réceptacle permettant aux destinataires de bien décoder le message que nous souhaitons leur transmettre. Mais c'est l'intention qui compte. Thank you. Lie down in water, to lie down and boil. I want to lie down in the presence of mine enemies. To lie down forever. audiomatique, nous vous avons présenté à l'instant le groupe The Legendary Pink Dots qui célébrera son 40e anniversaire en août 2020 et qui nous a récemment offert un nouvel album qui porte le titre de Angel in the Detail. C'est justement la pièce qui vient clore cet album que nous vous avons fait écouter, soit la chanson Red Flag. Précédemment à The Legendary Pink Dots, nous avions droit au groupe albertain Braids et sa pièce Glass Dears de son premier album Native Speaker, lancé en 2011. Et pour débuter, il s'agissait du duo londonien Swayzak et sa composition By the Rub of Love, extraite de son cinquième album Some Other Country, paru en 2007. Audiomatique se poursuit maintenant avec la chanteuse Camila Moreno. Nous entendions à Audiomatic le trio japonais Mouse on the Keys et leur composition Dark Lights Tress Version, parue sur leur plus récent album Studio Tress, sorti en mai 2018. Sachez que la version originale de la pièce Dark Lights se retrouve sur le mini-album Out of Body, paru en 2017. Et pour amorcer cette séquence, nous avions droit à l'artiste chilienne Camila Moreno et sa chanson Máquinas Sin Dios, qui est parue sur son dernier album Mala Madre, qui remonte déjà à 2015. En conclusion de cette transmission 256 d'Audiomatic, nous vous présenterons l'artiste australien Brandon Perry, mieux connu comme chanteur du groupe Dead Can Dance, de son premier album solo Eye of the Hunter, lancé en 1999, nous entendrons la chanson Medusa. À chaque fois que nous devons faire le deuil d'une transmission, nous avons au moins pour nous consoler la ferme intention d'en présenter une nouvelle lorsque la 17e heure aura sonné le mercredi suivant. Mais si vous êtes habité par la nostalgie, nous avons prévu le coup en rendant disponibles les archives d'Audiomatic sur nos plateformes facebook.com/audiomaticcfou et également mixcloud.com/audiomatic. Voici donc, comme prévu, Brandon Perry et la chanson Medusa. C'était Audiomatic avec les sonoristes. Thank you. Of solitude.